Thank you. Putain, j'entends pas bien la guitare, lui. Moretti. What's up? Ok, ok. Je vais mettre un petit coup d'octaveur. J'aime bien l'octaveur là, sur la guitare. Attends, il faut que je trouve un autre son.